Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr pour le troisième numéro de Comic Stories, le mag. Cette semaine, comme chaque semaine, nous allons revenir sur quelques news VF et quelques news VO du côté des comics. Semaine plutôt calme, il n'y a pas beaucoup d'annonces qui sont tombées. On aura également la question de la semaine, toujours dans le but d'explorer un petit peu vos habitudes et nos habitudes de lecture. La question de la semaine porte sur kiosque ou librairie pour le format VF. Et puis on aura une sélection de quelques titres en VO seulement, puisqu'il n'y a pas de sortie en VF cette semaine. Je suis Mathieu et vous allez écouter le troisième épisode de Comic Stories, le mag. Avec moi ce soir, donc ce soir dimanche 15 février, Arnaud Salut. et Clément. Salut. Voilà, petit comité pour cette émission, pour une émission courte en plus, donc voilà, on va traverser tout ça tranquillement. Et Arnaud, tu vas commencer avec une première news VF, puisque Panini a annoncé 3 Deluxe pour le mois de mai. Oui, alors le premier, c'est d'abord Wolverine et The X-Men de Jason Aaron et Chris Bacalo. Bacalo et Nick Bradshaw. Ensuite, ils ont annoncé, forcément, pour la sortie du film en août, le deuxième tome de Ultimate Fantastic Four, de Warren Ellis, Stuart Immonen et Adam Kumbert. Et un autre Ultimate, là, c'est le neuvième tome de Ultimate Spider-Man, Marianne avec la sa Pettis. ça couvre la saga du clone de Spider-Man. Voilà la version Ultimate de la saga du clone. Bon bah clairement dans les trois, s'il y en a qu'un à prendre, c'est Wolverine et X-Men. C'est super drôle en plus. Wolverine en directeur d'école. C'est vraiment, ouais, c'est très drôle. Vraiment une bonne série de Jason Aaron. Donc, si vous ne l'aviez pas découverte à l'époque que ça sortait en kiosque, voilà, c'est le moment de vous y mettre en plus avec le format de luxe. C'est plutôt sympa. C'est précisé combien d'épisodes ou pas, Arnaud? Non. Non? Bon. Je sais pas si tu l'as dit, mais ça, les trois sortiront en mai. Oui, les trois sortiront en mai, ouais. Et puis Clément, Panini a fait d'autres annonces cette semaine. Ils ont annoncé quelques nouveaux albums dans la gamme Marvel Now. Oui, donc ça sortira en librairie. Donc on aura en juin l'arrivée d'Uncanny X-Men, donc avec un deuxième tome de prévu avant la fin de l'année. On aura le troisième tome au mois de mai pour les Avengers d'Hickman. Donc c'est que les épisodes qui se sont déroulés avant l'arc Infinity. On aura également pour Iron Man la suite des origines secrètes de Tony Stark. Et enfin, en juin, on aura le quatrième tome de Superior Spider-Man. Donc là, c'est avec l'arrivée essentiellement de Spider-Man et Tony 99. Voilà. Bah, du côté d'Avengers, plutôt un bon programme. Uncanny X-Men est bien mieux que All New X-Men, donc tant qu'à faire, Ah s'il y en ouais? a. Si... Ah oui, c'est rien à voir. C'est à se demander si c'est le même mec qui les écrit, enfin, c'est incroyable. Ah oui? Oui. Oh, New, ça m'avait dit ça. À la longue, ça m'a gavé, ça tournait en rond, c'était pas intéressant. Donc non, Uncanny X-Men est plutôt sympa, ça suit le groupe de Cyclope et tout, et puis bon, ils prévoient d'en sortir deux tomes parce qu'ils ont pas mal de retard en librairie par rapport à All New X-Men, donc ils vont essayer d'accélérer un peu, je pense. Donc bah voilà pour les annonces VF, c'est tout pour cette semaine. Urban n'a pas particulièrement communiqué. En même temps, on est dans le creux du mois, donc voilà, c'est une période traditionnellement où en VF il n'y a pas grande annonce et pas grande sortie. Donc pas de sélection VF non plus cette semaine. Ça vous laisse un petit peu souffler parce que les deux dernières semaines quand même, ça a bien dû faire mal au porte-monnaie ou au compte en banque. Donc voilà, profitez-en. On va passer, avant de passer à la partie VO de l'émission, à la question de la semaine. La question de la semaine, qui était la suivante. Pour le format VF, préférez-vous donc un format librairie ou un format kiosque? Je vais donner la tendance de vos votes, puisque c'est la question de la semaine. Vous avez voté sur le site depuis lundi. Vous êtes un petit peu moins de 81% à opter pour la librairie. Donc c'est quand même un choix écrasant. Un petit peu plus de 10% pour le kiosque. Et puis, vous êtes à peu près 8,5% à avoir dit peu importe. Et vous, est-ce que le choix pour vous, Arnaud et Clément, est aussi tranché que celui de nos lecteurs et auditeurs? Ou est-ce que vous êtes un peu plus partagé? Clément, toi, je crois qu'il n'y a pas photo. Ah oui, bah, il n'y a pas photo, c'est tout, en particulier tout ce que je pense, la manière dont c'est publié en kiosque en France. Donc, c'est évident pour moi que ça sera la librairie. Notamment chez Urban, hein, comme beaucoup, là, le boulot qu'ils font en librairie, c'est juste excellent. Donc, oui, non, il n'y a pas photo, moi, c'est librairie. Enfin, j'achète que essentiellement de la BO, mais en général, quand j'achète de la BF, c'est de la librairie. Ça sera quasiment jamais même du kiosque. Alors, pourquoi ce... Enfin, quels sont... Tu en as déjà un peu parlé la semaine dernière, tu as un peu donné ton avis là-dessus, mais pourquoi ce désamour du format kiosque? Qu'est-ce qui te dérange dans ce format? Moi, Oui. bah, déjà j'aime, bah, enfin ouais, je l'ai dit la semaine dernière, mais tant pis, je vais me rappeler. Moi je suis pas friand du format qui est adapté en France. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment, je te prends par exemple le Batman, tu as par exemple Batman Saga, et dedans tu vas avoir Batman et Robin, etc. Après, oui, c'est sûr que c'est un gain d'argent parce que forcément ça coûte moins cher que ce qu'il y a en VO. Mais je sais pas, je trouve que, enfin, moi personnellement, je trouve que ça a moins de charme. Enfin, moins de charme. Donc je sais pas, il y a un truc en moins. Moi j'aime bien voir on va dire, les couvertures, les covers, des différents chapitres, des différents titres, quelque chose comme ça. C'est vraiment un aspect qui me dérange. Je sais qu'à une époque, je crois que c'était, ou si je dis pas de bêtises, c'était une édition, c'est ça. Je sais que, bah, j'ai retrouvé un ancien chez moi où apparemment, visiblement, à une époque, avant que ce soit Panini, il était pareil, titre parti, j'ai retrouvé chez moi un ancien numéro de GLA, donc de GLA version Morrison. Donc voilà, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Je suis pas forcément non plus fan en fonction des éditeurs, donc là, c'est pas plus, on va dire, Panini Comics, hein. Naturellement, la cohérence éditoriale, par moment, c'est vraiment un problème au niveau de la cohérence éditoriale, même si ça s'est amélioré. J'ai un gros souci au niveau de point de date. C'est pas forcément, c'est quand même beaucoup plus simple de trouver maintenant, mais à une époque c'est pas forcément évident de trouver. Oui, c'est clair. Alors Arnaud, pour ta part, kiosque VF, est-ce que t'es aussi tranché que Clément ou peu importe pour toi? Du tout, je trouve que les deux ont leur avantage. Alors, pour répondre, j'ai d'abord commencé par le kiosque. Justement, contrairement à Clémence, j'aime beaucoup le fait que dans un kiosque qui coûte, ça, par exemple chez Urban, 5,60 €, tu as plusieurs séries. Tu as à la fois Batman, Batman and Robin, tu avais Batgirl, etc. dans Batman Saga. Et ça te permettait de lire plusieurs séries d'un même univers sans forcément te ruiner. Et en plus, comme moi qui commençais dans les séries, j'avais une certaine sélection. Je savais quoi lire, je savais ce qui était intéressant à lire. Et en plus, c'était plus facile quand il y avait des gros crossovers comme La Cour des Hiboux où tu avais tout dans un même magazine. Après, je peux comprendre que on peut préférer la librairie parce qu'on ne veut pas forcément lire toutes les séries d'un même univers. C'est pas parce qu'on lit du Batman qu'on a envie de voir ses aventures avec Robin, ou qu'on a envie de lire Nightwing, ou qu'on a envie de lire Batgirl. Donc on préfère que lire la série Batman. Donc on va acheter que la série, que le tome en librairie. Je peux comprendre les deux à leurs avantages, mais au moins avec le kiosque, si tu connais pas un univers en comics, ça peut te permettre à un coût moindre de lire plusieurs séries, de découvrir cet univers. C'est vrai que le format kiosque pour un débutant les comics, c'est l'idéal parce que du coup, effectivement, certes, parfois le choix des séries regroupées est discutable. J'ai souvenir d'anciennes versions des magazines Panini qui étaient quand même franchement alambiquées. Mais au moins là, par exemple, voilà, effectivement, tu vas prendre un Batman Saga ou tu vas prendre maintenant un mag Gardien de la Galaxie ou le mag Avengers, peu importe. Voilà, on a cinq séries différentes pour la plupart du temps, et du coup, ça permet de ben, juste de tester plusieurs séries avec un moindre investissement. Voilà, on en a à peu près pour 5 €. On teste cinq séries avec juste 5 €, et puis après, ben, on voit ce qui nous plaît là-dedans ou pas. Et ben, si on aime bien la série Avengers, ben, peut-être que ça va nous inciter à aller la suivre ou même la rattraper en librairie. Et après, bah, on n'achètera plus le Mag Avengers, parce que de toute façon, les autres séries nous ont pas plu, et du coup, bah, on se focalisera sur une seule série en librairie. Et du coup, je trouve que ça, pour ça, c'est un avantage. Le prix, évidemment, est un avantage. Pour le prix d'un single, plus, on va dire, quelques centimes, quand on achète les singles en France, bah voilà, on a 5 épisodes au lieu d'un. Donc Ouais. c'est quand même non négligeable là aussi. Après, c'est sûr, dans les étagères, ça fait moins beau. C'est ça. C'est sûr. Enfin, tu me diras avec les singles BO, ça fait aussi dégueulasse Ah bah les singles VO, voilà, au moins aussi. Tu peux pas les eux tu veux même exposer. pas les exposer. À la rigueur, les formats kiosques, tu peux les exposer parce qu'il y a quand même le titre sur la tranche et tout, enfin sur le dos plutôt. Donc voilà, ça passe. Après, ce que j'aime bien moi dans le format kiosque, pareil, je suis plutôt amateur du format librairie parce que c'est des beaux ouvrages qu'on peut exposer, qu'on peut garder plus longtemps, qui tiennent plus la route, etc. Ce que j'aime moi dans les kiosques, en dehors du fait de pouvoir découvrir des séries à un moindre frais, c'est un petit peu tout ce qui est hors série. Ouais. C'est-à-dire, on va nous servir des arcs complets. On a Oui. 5-6 épisodes, une histoire complète, l'équivalent d'un TPB en VO pour 5 balles, quoi. Et Comme ça, c'est... comme les portes de Gotham qui étaient Par sorties exemple, Gates il of y a Gotham deux qui ans. était sorti à 5,60 € pour la mini-série complète, format souple, etc. Bah voilà, ça c'est vraiment cool. Quand on prend les Marvel Saga du côté de chez Panini, on a des arcs entiers du Punisher, des arcs entiers de... parfois même de Daredevil et compagnie. Enfin voilà, Ça, c'est intéressant, ce format un peu très abordable. Et c'est cool, quoi. Moi, je trouve que pour ça, c'est vraiment intéressant. Ça permet d'aller voir des trucs qu'on n'aurait pas forcément été achetés si c'était sorti en librairie. C'est Qui... clair. Et tout ne sort Et pas en librairie, en tout ne plus. sort pas en librairie par la suite, non. Par exemple, la trilogie, la Deadpool Kilogie, la Deadpool Massacre les classiques, Deadpool Massacre Deadpool, enfin toutes Deadpool Kills, Marvel Universe et compagnie, tous sont sortis dans des formats kiosques comme ça. Et on avait pour 5 €, ben, on avait la mini-série complète. Et donc c'était cool, quoi. Maintenant, ça va ressortir en librairie, évidemment, parce que c'est Deadpool, mais voilà, c'est un bon moyen d'avoir des petits arcs comme ça. Alors après, oui, il y a aussi les magazines kiosques consacrés aux events, notamment du côté de chez Panini, qui sont de la pure arnaque, mais ça, c'est une Ah autre histoire. ouais? Un magazine de 48 pages pour 4,30 €. Ah oui. Certes, ça reste moins cher que la VO, ça c'est sûr, parce qu'à 2 épisodes et qu'en VO ça serait le prix pour un seul, mais quand on a les mêmes magazines avec 3 fois plus de pages, enfin 2 fois plus de pages au moins, au même prix. Alors que le magazine Forever Evil chez Urban, c'était t'avais 5 séries aussi. Il y avait, ouais, il y avait, je me rappelle même le numéro 1 était plus gros encore parce qu'ils avaient rajouté des Oui. épisodes. Mais bon, après, ouais, format librairie, c'est sûr, c'est beau, quoi. C'est beau, et puis il y a le contenu aussi, quoi, qui commence à être intéressant, même chez Panini. Enfin, Panini fait vraiment de gros efforts sur la librairie, et ça, je tiens vraiment à le souligner aujourd'hui, parce que c'était pas forcément le cas avant. Je me plaignais souvent des formats librairie de Panini. Là, le Panini en librairie de version 2015, c'est incroyable. Par rapport à il y a encore un an en arrière. Le format 100% encartonné, il est juste super beau. En plus, ils ont arrêté de faire les dos de couleurs différentes. C'est pas trop tôt ça. C'est-à-dire Enfin. que j'ai pris 300% depuis le début de l'année, c'est-à-dire plus que ce que j'en avais pris dans toute ma vie avant. Donc c'est dire si le format me plaît. Et toutes les j'ai pris le Moon Knight, j'ai pris le Miss Marvel et le Daredevil. Les trois ont la même tranche grise. Et Donc ça pas compte complet. aussi, un peu d'harmonie. C'est le même format, enfin voilà, c'est quasiment la même chose que le Marvel Now, hein. Sauf que les Marvel Now sont blancs et que les 100% sont gris. Enfin voilà, ils ont trouvé une espèce de maquette un peu harmonieuse et c'est, enfin, franchement, c'est cool quoi. Il était temps, mais c'est bien. Et puis même leur Marvel Select, du coup, les petits formats souples pas chers à 16 € là qui rééditent les Deluxe, bah pareil, ils sont plutôt harmonieux maintenant. Les Deluxe sans la jaquette, la dust cover là, je trouve que c'est une bonne idée aussi parce que ce truc là qui se déchirait tout le temps. Alors certes, je sais qu'il y en a qui aimaient bien, hein, ces petites jaquettes sur les Deluxe, moi je trouvais ça juste horrible. Là, il n'y en a plus. Maintenant, les bouquins sont chapitrés entre chaque épisode, la couverture, le titre de l'épisode, enfin. Là, vraiment, en fin d'année, si Panini continue sur ce rythme-là, en fin d'année, quand il faudra choisir entre Urban et Panini, pour les top stories de l'année, eh ben, Ça va être compliqué. le choix sera beaucoup plus compliqué, c'est clair. Après, je voulais dire pour les kiosques aussi, surtout pour Urban, je sais pas trop si c'est le cas pour Panini, mais aussi un travail éditorial. C'est pas juste une succession de numéros. T'as les couvertures entre chaque qui les sépare, comme dans les tomes en librairie. T'as un résumé de ce qui s'est passé avant, ou des petites informations complémentaires qui peuvent t'aider à comprendre l'histoire que tu vas lire avant chaque histoire. Et en plus, dans les Batman Saga, Justice League Saga de Urban, t'as des petits dossiers de 2 pages au milieu ou à la fin qui te explique l'histoire d'un personnage, d'un événement, Même des fois d'un de plein de concept, choses. ouais, Oui. c'est assez intéressant. C'est aussi le cas chez Panini, mais de manière moins poussée, moins systématique. Enfin, c'est-à-dire que tous les mags n'ont pas forcément ce traitement, et voilà, c'est pas forcément aussi développé, et genre le résumé au début de chaque épisode, on l'a pas chez Panini. D'accord. Chez Panini, en première page, on a un édito qui fait un paragraphe, quoi, qui résume un peu la situation pour toutes les séries du mag, mais dans le même paragraphe, c'est pas. C'est pas avant chaque Voilà, numéro. c'est pas systématiquement avant chaque épisode comme le fait Urban avec la couverture, etc. Enfin voilà, c'est pas. D'accord. Et ça, c'est du bonus par rapport aux éditions librairies. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Encore que là, j'ai commencé The Six Gun chez Urban, donc une série indé, dans la collection Urban Indies. J'étais très surpris dans le premier tome de ne voir rien du tout. Comment ça? On commence, il y a la page de titre, premier épisode. Bon, les épisodes sont séparés, etc. À la fin, une galerie de couverture. Point. Il n'y avait même pas une page avec la bio des auteurs, quoi. Étonnant. Et j'étais, moi qui suis habitué, ouais, comme quoi on s'habitue vite quand même à un certain niveau de qualité, je me suis dit, bah. Et puis j'ai recherché, du coup, je suis repassé au début du bouquin, je me suis dit, bah, elle est où cette page? Il y a toujours d'habitude la bio du scénariste, la bio du dessinateur, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre comme œuvre, machin, tout ça. Là, rien. Je dis, oh mince. Et du coup, c'est vrai que, du coup, ça m'a presque choqué. Bon, C'est après, étonnant, j'ai Urban. pris le tome 2 que j'ai lu cette semaine. Voilà, là par contre, il y a un petit résumé. Voilà, ça y est, on a repris les bonnes habitudes. La page dans le tome précédent, une présentation des personnages au début, et à la fin, il y a la page avec la bio de tout le monde. Voilà. Donc là, j'ai retrouvé le format Urban, mais j'étais un peu, ouais, Surpris, un peu surpris. surpris, ouais. D'ailleurs, la review de The Six Gun tome 2, je la mettrai en ligne, voilà, cette semaine. Sur le site pour ceux qui avaient lu celle du tome 1. Voilà, on va pas s'attarder plus que ça sur la question de la semaine. On a un peu plus pris notre temps cette semaine parce qu'on a le temps, vu le programme de news. On va passer maintenant à une partie VO, là aussi assez légère. Et Clément, c'est toi qui vas commencer avec une nouvelle Suicide Squad. Ouais, une nouvelle Suicide Squad qui a été annoncée donc à l'occasion des pages promo Channel Kiss Me Too. Donc on peut retrouver notamment à la fin de chaque numéro quand tu lis des comics en VO. Donc c'est une nouvelle Suicide Squad un peu étrange quand même. Enfin, je trouve personnellement. Donc on aura Parasite. Donc vous savez le bonhomme violet là, je crois qu'il change un truc comme ça, je sais plus trop. Je sais pas si ça a changé. On aura Black End, donc qui appartient plutôt à l'univers des Green Lantern. On aura Poison Ivy, le River Flash, Quoi? je viens de découvrir le look, parce que j'avais pas percuté qu'il était comme ça, il est affreusement dégueulasse. C'est pas le même look qu'il avait dans la série Flash de Buccellato et Manapul. Ouais, et je le trouve assez dégueulasse Il comme lui a ça. fait un looking, ouais. Ouais, et ouais. On aura Cheetah, je sais plus à Elle était quel. apparue dans Justice League juste avant le trône d'Atlantide. Il y avait eu 2 ou 3 épisodes avec Cheetah et Wonder Woman. Oui. C'était l'épisode 13 et 14, je crois, de Oh, Justice League. wow. Et on aura un Talon, Et donc on de aura la. un Talon, ouais. Ouais, Alors bah. c'est quoi cette Suicide Squad? Oui, voilà, c'est quoi cette petite squad? Eh ben bizarrement, moi, Je suis curieux. je me dis que c'est qu'elle a de la gueule et que tiens pourquoi pas. Ça paraît effectivement ça m'a paru complètement bizarre. Je me suis dit mais Ouais, qu'est-ce que c'est que what the fuck quand j'ai vu la composition. Et puis je me suis dit en fait tout ce petit monde les mettre dans une même équipe et ça peut peut-être on peut peut-être sortir quelque chose d'intéressant de tout ça. Par contre, je suis hyper surpris qu'il n'ait pas encore pris le line-up des films. Ouais, je m'attendais à un Parce que là, line-up. on est en pleine promo, pleine vague de rumeurs chaque semaine sur le film Suicide Squad et machin. Et pour le moment, on n'a aucun personnage de la Suicide Squad tel qu'on la découvrira au cinéma ou dans la série de comics. Ouais, moi je m'attendais à voir ouais, pareil, un line-up qui est assez proche des films, et puis là je t'avoue quand j'ai découvert le machin, oula quand même, c'est surtout que c'est des personnages enfin qui appartiennent à des univers totalement opposés quoi. Ouais, mais voir. Black End, Je c'est suis comme... content de voir un Talon, je sais pas, Oui, moi aussi, par contre oui, je trouve c'est bien Black qu'on... End, ça fait longtemps. Puis, je pense que les Talon, en plus, ils ont tout à fait le profil de la Suicide Squad telle qu'on la connaît. Ouais, parce que dans leur... Dans la manière dont ils procèdent, ouais, Poison non. Ivy aussi, hein, elle aurait sa place dans une Suicide Squad, on va dire, un peu classique. Après, les quatre autres, bon, Ouais, les quatre autres, Black End, River Slash, Parasite et Cheetah, c'est un peu moins évident, par contre. ouais. Quoique ça peut être marrant, Black End, si c'est si l'un des personnages se suicide, bah allez, Black End, vas-y, que je te ressuscite ça. Ça peut être Ouais, marrant. Ouais, c'est vraiment hyper surprenant, alors quoi. comment est-ce que cette équipe va être assemblée? Ouais. Voilà, pareil, enfin du coup il y a quand même des questions qui se posent, et du coup le coup de com a l'air plutôt réussi puisque ça nous a fait réagir. C'est Ce ça. sera post-convergence. Ouais, ça sera juste après Convergence au mois de juin. Ça sera scénarisé par Sean Ryan et dessiné par Carlos Danda. Voilà. Et ça commence avec le numéro 9 de Suicide Squad. De New Suicide Squad. On vient de parler de Convergence, on va parler du coup forcément de Secret Wars, puisque Marvel, chaque semaine, hein, nous annonce des nouvelles séries dans l'univers de Secret Wars. Donc on nous a annoncé trois séries cette semaine. La première, c'est le retour de Old Man Logan, donc cette série sur un Wolverine vieillissant, qui va être prise en charge par Brian Michael Bendis et Andrea Sorrentino. Voilà. Donc le Plaisir. duo qui s'était formé sur les annuals de X-Men, eh bien voilà, qu'il se reforme pour Old Man Logan, et a priori ça prendra la suite directe de la série Old Man Logan telle qu'on la connaît. Voilà. Donc ça peut, pourquoi pas, être intéressant. Sorrentino à l'œuvre sur une série comme ça. À voir. À voir. On nous annonce également, alors un truc un peu improbable, le retour de Planète Hulk. Ok, pourquoi pas, dans le Battle War, des machins, pourquoi pas. Mais alors, un Planète Hulk avec Steve Rogers, qui fait un team-up avec le Devil Dinosaur Quoi? sur Planète Hulk pour se confronter à plein de versions de Hulk différentes. What the Oh là ça me là. fumait quoi chez Marvel là? Donc là, du coup, on a un vrai melting pot là. Connais pas du tout le duel. Ah oui, d'accord. Ah oui, ouais, ils ont fumé quoi? Donc voilà, bon. On Waouh. verra ce que donne ce team-up. C'est un peu l'ovni de la semaine, hein. Ah ouais, là, oui, c'est. Ouais, c'est bizarre. Et puis la troisième série qui a été annoncée, Arnaud, on croyait que Spider-Verse allait se terminer, et en fait. Et non, c'est l'arc qui est en ce moment dans The Amazing Spider-Man, qui va continuer dans une nouvelle série. Alors, on n'a pas de date, c'est juste à annoncer cet été, juste après Secret Wars. Donc, bah, c'est un autre team-up avec des super-héros de l'univers Spider-Man. Et donc, a été annoncé Spider-Gwen, Spider-Ham, normal. Spider-Man India, Spider-UK, Spider-Man Noir, Mayday Parker et Spider-Man lui-même. Dans une série de Mike Costa et André Arroyo. À tes souhaits. Arroyo. C'est pas comment on prononce le J. Arojo peut-être, non? Arroyo. Mais le J se prononce pas d'une certaine manière. Je sais pas, je sais pas. J'ai pas fait espagnol, je sais pas. Voilà, exactement. On nous a annoncé également le retour d'Inferno. Donc on aura une série aussi Inferno qui sera elle sous la bannière Battle World. Donc Inferno, c'était du côté des X-Men. Donc bah voilà, pas mal de choses. On nous a parlé également cette semaine d'une série MODOK. Enfin, plein de trucs qui vont avoir lieu durant Secret Wars. Moi, Secret Wars, je suis en train de me hyper dessus en ce moment. Je me calme parce que sinon je vais tout prendre. Je sais pas, autant je trouvais ça un peu bancal, ou enfin voilà, j'attendais de voir qu'au moment où ils ont annoncé ça, je disais oui, bon, pourquoi pas. Et en fait, ouais, ça a juste l'air de plus en plus tentant. Donc à suivre dès le mois de mai. Oui, c'est au mois de mai, ça commence, je crois. On a terminé avec les news VO. Vous voyez, encore peu de choses cette semaine du côté des news. En même temps, on a eu DC qui nous a annoncé le post-convergence la semaine dernière, donc on va peut-être se calmer côté news. Petite sélection VO de 5 titres cette semaine parmi donc les sorties de demain mercredi. On va commencer avec Clément Batman and Robin numéro 39. Ouais, donc c'est juste la suite et la continuité du nouvel arc, si je dis pas de bêtises, amorcé dans le numéro 38. Donc Oui, on se c'est ça. rapproche petit à petit de la fin de cette série, du coup. Oui. De rien. C'est ça, et puis bon, la sollicitation me montre que ça se dirige vers ce que j'attendais, donc voilà, voir comment on gère un gosse qui s'en trouve comme ça doté de pouvoir. C'est surtout à l'heure actuelle. C'est la meilleure série du Batman, enfin, largement. Batman quand même. De quoi? Batman quand même, avec les récents événements du dernier numéro là dans J'ai Batman pas lu 30. le dernier, mais enfin, disons que Batman et Robin et Batman se valent. Mais c'est vrai que la Snyder commence. C'est un truc intéressant là On sur. assiste à quelque chose dans le Batman 38 quand même. Enfin voilà, voilà. Non, je dirais rien du tout. Je vais continuer moi avec une autre sortie de demain, donc chez Dark Horse cette fois. C'est une mini-série en 5 épisodes. Le premier numéro sort donc demain, ça s'appelle 8. 8 comme le chiffre 8, écrit par Raphaël Albuquerque et dessiné aussi par Raphaël Albuquerque, qui fait également la couverture, comme ça il fait tout, c'est sa série. Alors c'est encore quelque chose qui parle d'une dimension, d'une dimension parallèle à la nôtre, donc qui s'appelle The Meld, qui est une dimension totalement, comment dire, pas du tout. Totalement hostile, voilà, c'est ça que je cherchais, dans laquelle vit Joshua, qui est un chrononaute, donc quelqu'un qui voyage dans le temps, et il se retrouve coincé à un moment dans cette dimension, il se retrouve coincé, sans souvenir et sans se souvenir de rien de l'équipe qui était avec lui, qui l'a envoyé ici, voilà, il sait plus ni pourquoi il est là, ni quoi que ce soit, et il n'aura rien autour, enfin, il ne pourra compter sur rien d'autre que sur lui-même pour pouvoir essayer de survivre et de rassembler un peu les morceaux du puzzle. Donc, moi, ça me... Voilà, le concept m'a un peu tapé dans l'œil. C'est aussi surtout parce que c'est une mini-série, c'est 5 épisodes, ça n'engage pas à grand-chose. Voilà. Si le premier est bien, et ben on attendra le TP pour voir la fin et voir toute la série d'un coup. Arnaud, toi, tu vas nous parler maintenant de quelque chose qui te plaît beaucoup, à savoir le prochain numéro de Multiversity. Oui, on avait parlé en début janvier. Et alors, le mois dernier, c'était un guidebook qui était sorti de 80 pages. Un guidebook incroyable. J'ai pas encore le temps de le Ah bah, lire. il faut le lire, hein. Il faut le lire dans le sens où c'est long à lire, donc voilà. Oui, c'est pour ça que c'est 80 pages, Il je prends vraiment le temps y a de. beaucoup de contenu, etc., mais il est incroyable. Mais il y a une suite qui sort bientôt sûr, parce que ça se termine en mars-avril, il me semble. En mars, ouais. Mars. Donc là, il y a le septième numéro qui s'appelle Mastermen. Et donc, en fait, ça se passe sur la Terre 10. Et donc là, c'est toujours écrit par Grant Morrison et dessiné par Jim Lee. Pas n'importe qui. Non, ça va, ouais. Donc, sur Terre 10, c'est une Terre où, tout simplement, les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale et ont dirigé... On construit le monde et la culture du monde à leur façon, ces 60 dernières années, grâce à une arme alien qui s'appelle Overman. Mais l'espoir n'est pas perdu parce que il y a un groupe de super-héros qui s'élève contre ces fascistes. Et cette bande de super-héros s'appelle The Freedom Fighters, donc les combattants pour la liberté. Et donc voilà, on suit ces super-héros qui vont combattre les nazis et cette arme alien, Overman. Et on va découvrir plein de choses qu'on connaît bien, comme Oncle Sam, une mystérieuse figure qui s'appelle Oncle Sam, et d'autres choses comme la Phantom Lady. Et donc déjà par l'histoire et le dessinateur, c'est un numéro qui moi me tente vraiment beaucoup. Bah, dans la sélection de 5, là, s'il n'y avait pas le Batman and Robin numéro 39, effectivement, ça serait de loin le titre que je recommanderais. Là, c'est un peu plus serré avec Batman et Robin, mais ouais, ça va être clairement un immanquable de la semaine. Ne serait-ce que, moi, voilà, je vais demander à tout le monde de regarder ce bouquin, ne serait-ce que pour la Pour Jim. page. Non, non, ne serait-ce que pour, oui, bah pour Jim Lee qui nous a quand même fait une page avec un Hitler sur les toilettes, Sérieux? J'ai pas regardé qui est à les mourir de previews. rire. Là, il y a une preview qui est sortie cette semaine et là, la page, enfin voilà, Hitler sur les toilettes, le froc baissé en train de lire un comic Superman, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vais enchaîner avec Silk numéro 1 qui sort également demain. Silk, bah, c'est tout simplement Cindy Moon, hein, qui est cette fameuse fille qui a été mordue par la même araignée que Peter Parker le jour où Peter Parker a été mordu et a obtenu ses pouvoirs de Spider-Man. Et ben voilà, on le sait depuis peu de temps, il y a une jeune fille qui a été piquée juste après. Et donc c'est Cindy Moon qui est donc le personnage de Silk dans l'univers Marvel. Et donc sa propre série commence demain avec Robbie Thompson au scénario et Stacy Lee au dessin. Et ça vous coûtera 4$ si vous voulez découvrir ce nouveau personnage féminin dans l'univers de Spider-Man. Et puis Arnaud, tu as un dernier numéro dont tu vas nous parler qui est Secret Identities. Ouais, c'est une nouvelle série de Image Comics hein, par Brian Jones et pourquoi on me file toujours les noms dessiné par Ilias Kyriazis. Donc c'est une série sur un groupe de super-héros qui s'appelle The Frontline. Et non pas Frontline Combo Oh putain. ça. Il fallait que J'ai pensé je à la la même chose. fasse. Non mais j'ai pensé à la même chose quand j'ai vu la sollicitation, donc ça me désole. Donc un groupe de super-héros qui s'appelle The Frontline, qui invite un nouveau super-héros à rejoindre leur rang, qui s'appelle Crosswind. Et donc en réalité, Crosswind est une taupe qui est là pour découvrir tous leurs secrets. Et on nous annonce que ce groupe a beaucoup, beaucoup de secrets. Donc voilà. Voilà, donc voilà, peut-être une. C'est un concept qui a l'air comme ça d'avoir été fait plusieurs fois, etc. Mais pourquoi pas, si voilà, c'est une manière de voir une équipe de super-héros sous un autre angle. Donc, je me laisserai peut-être tenter par ce numéro 1. Au numéro 1 Image, de toute façon, voilà, ça peut être à la fois tout bon comme tout mauvais, donc c'est. Faut vraiment tester pour voir. Et bien voilà, c'est le dernier titre de notre sélection VO. On va vous donner maintenant les prochains rendez-vous, puisque cette émission est terminée. Jeudi, on se retrouve pour le troisième épisode de Sur nos écrans, donc en partenariat avec surnosécrans.com, où nous reviendrons sur l'actu ciné-TV, qui est beaucoup plus chargée que celle des comics papier cette semaine. Et puis, on vous proposera le débrief de la semaine sur The Walking Dead, où on reviendra sur la première partie de saison et l'épisode 9, qui marquait le retour de la série après la trêve hivernale. Samedi, on se donne rendez-vous pour une Padawan édition qui sera consacrée à Marvel, et on vous parlera un peu de 75 ans d'histoire du côté de chez Marvel. Quant au mag, vous le retrouverez mardi prochain pour son quatrième numéro. D'ici là, bonne lecture et à bientôt. Salut. Salut.